J'ai souvent brisé tes rêves, je le sais, pour garder ma liberté. Mais comme le jour qui se lève après la nuit, je reviens t'appeler. Maintenant que tu es loin de moi, mon amour, je vois partout ton visage. Même quand je suis dans d'autres bras, mon amour, tu es parti du voyage. Maintenant que tu es loin, je ne prends même plus la peine de rentrer, ça fait trop mal d'être là, à regarder ce qui traîne, car déjà je m'ennuie de toi. Maintenant que tu es loin de moi, mon amour, je vois pas tout ton visage, même quand je suis dans d'autres. Maintenant que tu es.